est-ce que l'ONU est devenue le pourfendeur des souverainetés des États et roulerait pour des puissances et pour le cas d'espèce spécifiquement la France? Alain Jules Meunier, bonsoir et bienvenue. Bien voilà, Alain Jules Meunier n'est pas avec nous. Alors, Victor Esso, vous avez suivi cette histoire du rapport de l'Organisation des Nations Unies lors de la dernière réunion, donc de ce présidé par justement le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui a reçu le rapport de Mankandia, qui est son représentant en RCA. Et ce rapport-là est plus favorable à la France et stigmatise la Russie. Et sur la réalité du terrain, on trouve que c'est même le contraire de ce que dit le rapport. Alors, la question se pose de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, l'ONU serait devenue une institution qui défend la France? On va d'abord interroger l'attitude même de M. Mark Ndiaye, représentant des Nations Unies pour la RCA, qui, d'après nos enquêtes, sur le terrain, a dit que tout allait bien, il a respecté tout, il a bien vu que l'embargo sur les armes était respecté. Je rappelle que les armes livrées par la Russie ont le mandat, ont l'autorisation de l'ONU. Donc ça s'est fait sous mandat de l'ONU. Donc la Russie n'a pas violé une loi de l'ONU en livrant des armes à la RCA. Donc M. Mankandia a vérifié et vérifié sur le terrain, il disait oui, ça va, etc. Mais après, il prend un rapport qu'il envoie au secrétaire général des Nations Unies qui va aux antipodes de ce que lui-même il affirmait sur le terrain. Donc, c'est à se poser la question, ce qui a bien pu se passer entre les enquêtes et l'envoi du rapport. Donc, la saisie et l'envoi du rapport. Donc, on s'interroge sur ce qui se cache en dessous. Est-ce qu'il a subi des influences? Est-ce que le rapport était déjà précommandé? Est-ce que il a simplement essayé de taper dans la fourmilière pour influencer les forces en présence dans ce dossier? Autant de questions ou de questionnements sur le dossier centrafricain qui nous laissent pantois. Surtout que, aux dernières informations, les entreprises françaises sur le territoire y usent d'un certain nombre de stratagèmes pour pousser les centrafricains, le peuple centrafricain à la rébellion. Quand l'ambassade de France dit que non, elle est indisponible parce qu'elle a subi des pannes d'électricité et une petite incendie, donc que ceux qui veulent les visas pour aller en Europe se rendent au Cameroun. Quand les entreprises françaises, l'entreprise brassicole dit qu'elle ne peut pas produire assez de vin parce qu'il y a des problèmes de coupure d'électricité, etc. et les forages ne fonctionnent plus. Quand l'entreprise Orange déploie des pannes techniques, vous avez des ministres qui ne peuvent pas passer les appels, etc. Donc, autant de questions qui accompagnent la publication de ce rapport-là, qui nous laisse pantois et nous rend interrogateurs. Donc, il y a quelque chose de malsain qui se fait et on ne peut pas. Bon, moi, je ne peux pas affirmer que l'ONU roule pour la France, mais je constate que M. Mankandia, entre le travail d'enquête où il semblait naturellement tout valider et la remise de son rapport, il y a une certaine dichotomie ou bien une antinomie entre les faits et les gestes et le rapport final. Et à la suite de ça, on voit que les entreprises françaises, comment a nui le peuple centrafricain, comment a poussé le peuple centrafricain dans leurs agissements à une certaine rébellion, à un certain soulèvement. Autant de questions qui font que on pourrait subodorer et suivre votre ligne là et dire que l'ONU essaye ou bien jouerait pour la France. On ne peut pas affirmer, mais ce serait aussi pas sérieux de ne pas exposer cette approche-là. Maintenant, le dossier centrafricain, il est simple. Un pays a été en guerre. On a, pour aplanir, après les accords, pour aplanir, on a sanctionné. On a dit que l'armée ne devait pas avoir les armes, les rebelles, etc. On a mis des militaires sur le terrain, les casques bleus sur le terrain pour essayer de ramener la sécurité. Mais le bilan après 5 ans, ils ont échoué. Bon, ils ont stabilisé, on ne peut pas dire qu'ils ont totalement échoué, mais ils ont stabilisé. Mais après la stabilisation, 70% du territoire était encore occupé par des groupes rebelles. comme depuis les années de l'indépendance, post-indépendance. Donc, on ne peut pas dire que l'ONU a réussi sa mission à RCA. Maintenant, la Russie, avec l'aide de FACA, la Russie qui appuie les FACA, a réussi, lui, Michel, vous le disiez, tous les départements, c'est historique depuis l'indépendance, tous les départements ont aujourd'hui des préfets installés par l'État central. 95% du territoire est déjà recouvré. Historique, la ministère ne l'a pas fait à son temps. Et ils reçoivent de l'ONU, des Nations Unies, 4 fois le budget de la Centrafrique. C'est malsain. Et ce n'est pas sérieux. Parce qu'un peuple ne peut pas être meurtri. Et vous envoyez des gens qui ont 4 fois son budget. Donc, c'est à se poser la question sur le rôle réel de l'ONU en RCA. Bon, l'ONU a aussi eu des actions dans le monde où elles étaient positives. On ne peut pas non plus vivre, mais on doit s'interroger quand on se rappelle que en RCA, ils y sont depuis près de 30 ans et on n'a pas de solution. Et s'il vous plaît, en RCA, on a déjà dépensé au moins 100 000 milliards de francs CFA depuis que l'ONU est là, mais on n'a pas recouvert le territoire. On n'a pas une stabilité. On a des pans entiers de trafic de toutes les ressources de la RCA, qu'elles soient des ressources minières ou bien les ressources du sol, des couloirs humanitaires qui sont devenus des affaires des fonctionnaires de l'ONU. Pas l'ONU intuitive personne en tant qu'institution, mais l'ONU en tant que des fonctionnaires qui organisent sur le terrain des trafics de tout genre. Donc, tout cela nous pousse à nous interroger sur l'action de l'ONU ces 10 dernières années dans les Grands Lacs et en Afrique centrale et en Afrique en général. Donc, pour ce premier jet, je voudrais m'arrêter là. Oui. Alors, Victor Issou, est-ce que aussi on est dans la volonté permanente, justement, de la France, je dois décider, parce que le professeur Jean-Paul Bellègue rappelait là que celui qui s'occupe des opérations de la paix à l'Organisation des Nations Unies d'une manière permanente, c'est toujours un Français. Est-ce qu'il y a une volonté, vous le voyez, vous avez fait un lien avec les entreprises. En Centrafrique aujourd'hui, on veut pousser le peuple à la révolte, au soulèvement, en rendant la vie difficile, en s'attaquant à la Russie qui pourvoit pacifier presque tout le pays. Tout à fait. On veut naturellement essayer une approche qui n'a pas réussi avec l'approche rebelle. Ouais. C'est clair que les rebelles que la France soutenait sont tombés à lambeaux. Et aujourd'hui, ils sont pratiquement dans ce qu'on appelle ici au Cameroun le maquis. Donc la situation sécuritaire est complètement sous contrôle. Et le territoire, je vous dis, depuis les indépendances, l'État central en Centrafrique n'avait jamais eu autant de contrôle sur un territoire. Les nouveaux, les préfets installés, toutes les préfectures sont aux mains de l'autorité centrale, ce qui n'a jamais été le cas depuis l'indépendance. Donc, on s'interroge. On peut comprendre que pour des raisons stratégiques et géopolitiques, un État à 5e puissance du monde comme la France voudrait naturellement rester, avoir son mot à dire dans l'évolution des choses du monde en ayant naturellement, dans ce qu'on appelait son précaré, de l'influence et pouvoir agir à travers ces influences-là dans le Conseil des Nations. Mais il y a au-delà de ça l'aspect économique. La France s'est mise de manière non officielle, mais naturellement sur des contrats à Léonin post-indépendance qui garantissent, c'est ma foi, les ressources centrafricaines comme les ressources stratégiques françaises qui disaient par exemple qu'on ne pouvait pas exploiter ces ressources-là sans leur accord. On a supprimé un ministre qui a d'ailleurs perdu les élections régionales chez lui en France. Je dois décidément le citer, Yves Le Drian, dire que la France ne discute avec personne en Centrafrique. Tout à fait. Donc, ces ressources-là sont considérées pour la France comme stratégiques. Un peu comme au Texas, les ressources pétrolières du Texas sont considérées comme stratégiques pour les États-Unis qui l'ont programmé pour être utilisé dans 100 ans, quand les ressources naturelles, les minières du monde se seront amenuies. Donc, vous comprenez, on comprend la stratégie française, mais vous ne pouvez pas faire de la stratégie géopolitique avec les ressources des autres. Même s'il a été signé par les enfants du pays, on ne sait pas par quelles contraintes. Est-ce que vous leur avez donné des prostituées de luxe? Est-ce qu'ils étaient ivres? Ou bien est-ce que le fait de découvrir des vins spéciaux, des grands crus, leur ont fait signer n'importe quoi? Ce qui est sûr, c'est que les Centrafricains, la génération d'aujourd'hui, vous disent que non. Si vous voulez coopérer, on est d'accord. Vous avez l'avantage de la langue, vous avez l'avantage de la connaissance du pays, vous avez l'avantage historique. Maintenant, on a des ressources, vous les exploitez pour qu'on fasse un partenariat gagnant-gagnant ou vous ne les exploitez pas parce que nos générations d'habitants et de notre peuple ont croupi dans la misère, sont morts de misère. Qu'est-ce que vous en faites? Mais, au lieu de répondre à cette question, les gens pinaillent. Non, la Russie. Non, Afrique Média. Non, il y a un complot africain contre la France. Mais c'est terrible. On dirait un enfant qui pleure parce qu'il est faible à l'école. Donc, vous allez, on vous envoie à l'école. Vous avez tout pour réussir, tous les moyens, un chauffeur, des répétiteurs à chaque matière, une belle école où c'est climatisé, il y a le goûter, il y a les activités pour ses périscolaires, etc. Et quand vous ne réussissez pas, le jour où le père vous dit que bon, vraiment, je suis dépassé, je ne peux plus avec toi parce que tu me ramènes toujours des zéros, vous commencez à dire que non, c'est le fils du voisin qui faisait ça. Parce que comme il est venu maintenant à côté du père et que le père vous voit qu'il est bien, maintenant il me trouve... Non, c'est pas sérieux. Vraiment, j'ai même honte à la place de la France. C'est pas sérieux quand on veut... on a une cinquième puissance dans le monde, on a un tel passé. C'est pas sérieux d'avoir de tels agissements. Le monde change, les gens évoluent, les choses évoluent. Vous ne pouvez pas, au troisième millénaire, à l'an 2021, garder des mêmes approches, une telle mentalité. C'est des êtres humains. C'est un peuple qui a ses ressources. C'est les ressources prouvées. Comme les colons ont fait durant toutes ces années d'indépendance, post-indépendance. Prouver le diamant, d'uranium, de fer, de manganèse, plus la moitié du territoire, c'est de la forêt. Comment vous faites? Vous n'industrialisez pas. Vous aurez pu laisser même, on n'aurait même plus comprendre que bon, les raisons stratégiques, il garda ces ressources minières-là. Mais développer des approches qui permettent, plus la moitié du territoire, c'est du bois. Pourquoi vous n'avez pas transformé en pâte à papier et l'avez vendu dans tout le continent? Ça aurait pu faire entrer des devises très importantes à milliards au peuple centrafricain qui aurait naturellement fait en sorte que la France n'est pas sérieuse en Afrique. C'est pourquoi les pays d'Afrique francophone avancent à rang à pas de tortue. Vous voyez le Burundi, vous avez vu un nid de poule, que ce soit à la nouvelle capitale d'Itega, à Bujumbura, ou bien dans les villages, dans les villes moyennes. Quand vous êtes en Afrique de l'Est et australe, même les pays qui sont au fin fond du classement, d'ailleurs le Burundi, cité toujours par l'indice de développement humain ou bien les classements Banque mondiale sur les pays pauvres dans le monde, se retrouvent. Mais je vous dis que les routes au Burundi, l'habitat au Burundi est mieux que tout la première économie de la zone francophone subsaharienne qu'est la Côte d'Ivoire. Vous pouvez comprendre ça? Ça veut dire qu'il y a une question de mentalité franco-française. Là, on va parler par extension avec les dirigeants même et les politiques de ces zones-là. C'est une mauvaise mentalité que la France a encore l'occasion de s'asseoir et de changer. Le problème de la France en Afrique, ce n'est pas les autres, ce n'est pas la Russie. La Russie arrive simplement parce que la France ne donne rien. L'ambassadeur de France est allé dire aux étudiants de l'Institut des Relations Internationales l'autre jour que oui, n'écoutez pas ces gens qui font la désinformation comme Afrique Média et les autres parce que ce n'est pas vrai, on a plutôt chuté, on est à 10%. Mais vous êtes à 10% pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sérieux, ce n'est pas parce qu'on vous a retiré les 10% de facto. Non, c'est parce que vous n'étiez pas sérieux. Quand on est en économie, on parle de finances. Quand on parle de finances, on parle de bénéfices. Si l'autre a l'impression que vous le trompez, il vous lâche. Même quand on veut monter une entreprise, on se met en actionnaire. Quand on constate que l'un ou le directeur ou bien l'un des actionnaires veut, on lâche. Alors, votre démonstration là me fait revenir ce que j'ai suivi en préparant cette émission. Afrique Média, le monde, c'est nous.